Femme la ni papa y famille a qui pas de vle vwe mwen. Mais y'entend la salle les amis y'entend un jeune flambe qui plein de ven. A la fe femme la dit mwen. En prenne la roucade mes amis pour mwen be s'arrive. Femme la et papa y famille a y doubou ka attend mwen. Le vwe mwen rive y'en comprenne que pite y'en mwen déjà tellement bon. A la fe femme la dit mwen. Sorti pourtant Julian pas dit moi tout ça qui ca passé papa femme la pas fait on ni de redi on sab qui bien filé à la fin bouc la dit moi vous me vin parti mes amis Julian il ca pleuré tout monde nous a baillé ja ouais tout ça qui ca passé combat séparé Julian il va se y garder moi en mitanzier à la fin femme la dit moi. Mes amis, ben moi yon bel en main. Ben moi yon bel boula. Moi pe sa chante. En kamande le répondez, répondez moi pendant tambour la en kasonne. A la fête en boussonne.